Une nuit d'épouvante par Jules Janin. Puisqu'il s'en va, parlons du fléau. Osons les regarder de près, ces profondes terreurs des premiers jours. L'ennemi bat en retraite, soyons braves. Pour ma part, je veux vous raconter une nuit d'épouvante que j'ai traversée avant-hier. Vous verrez dans ce simple récit ce que c'est que la peur du mal et combien elle dénature horriblement les objets. Donc, je commence. J'aurai soin d'être aussi peu terrible que possible. Je ménagerai bon air plus que je n'ai ménagé les miens. C'était avant-hier. Sur les hauteurs du quartier Saint-Jacques, si rempli d'hôpitaux, de collèges et de librairies. Un lieu bien triste, surtout par la nuit qu'il faisait, car il était 10 heures du soir. J'avais passé la nuit au chevet d'une jeune femme colérique. La malade, quand je la quittais, était arrivé à ce moment de calme et de bien-être qui console des plus atroces douleurs. Alors le pouls revient à sa place, le sang à la joue, le sourire aux lèvres, le battement au cœur. L'âme se montre de nouveau dans le regard. Le malade renaît. Tout renaît en même temps autour du malade, ses amis les premiers. Ce moment-là est doux, comme une victoire. Aussi, toute la soirée, vainqueurs que nous étions, nous, ses amis, nous l'avions vue renaissante, et elle nous avait vu revivre avec elle, et je sortis de la maison triomphant, ne songeant plus à l'air froid et humide du soir. J'allais donc, descendant à pied la montagne Sainte-Geneviève, passant devant l'église de la Sainte, qui ne sera jamais un panthéon, quoi qu'on fasse. J'étais seul dans les rues. Tout se taisait ou tremblait à cette heure dans la ville. Pas d'étudiants tapageurs à la porte des hôtels garnis, pas de chansons patriotiques hurlées en chœur, pas d'ivrognes surtout. Toutes les boutiques étaient fermées, et c'était chose triste de voir à la porte des charcutiers inutiles se balancer tristement les saucissons de bois qui cliquetaient comme des os de pendu agités par le vent. On eût dit que l'enseigne sensible chantait en gémissant les catastrophes du charcutier. Je passais ainsi devant toutes les boutiques célèbres de l'endroit. Devant le cabinet de lecture où se louaient de mon temps les insipides romans de Pigot, éternel sujet d'inquiétude pour le libraire. Devant la boutique du barbier, décorée d'une inscription toute grecque que le bonhomme vous explique sans hésiter. J'allais ainsi jusque vers la place de la Sorbonne, vis-à-vis l'hôtellerie où Jean-Jacques Rousseau, sur une méchante épinette, composa le devin de village. À vous dire vrai, ce fut avec un certain charme que je traversais ainsi, moi tout seul, ces lieux habités par ma jeunesse, ce monde latin où je m'étais trouvé tant de passion et tant de bonheur, hélas évanoui. Dans cette promenade nocturne, j'oubliais comme par enchantement les inquiétudes de la journée et des journées précédentes. J'étais heureux comme par une soirée d'été, douce, calme et bien saine, quand tout à coup, le plus atroce spectacle qui se put imaginer, dans ces temps d'épidémie et de mort subite, va s'offrir à mes regards. C'était dans une petite rue du quartier, une de ces rues qu'on appelle neuves par ironie, et dans lesquelles les maisons en ruine semblent se pencher l'une sur l'autre avec le hideux sourire de deux vieilles femmes qui vont se mordre en s'embrassant. La rue est latérale à la place de la Sorbonne et donne à l'autre bout dans la rue Saint-Jacques. Je ne l'avais jamais remarqué, étant jeune. Pas un souvenir ne m'y appelait. Je sais pourtant son nom à présent. Elle s'appelle rue Neuve des Poirées. Dans cette rue étroite, infecte, rendue plus sombre par un réverbère qui semble comme un mur qui la coupe en deux, j'aperçus tout au loin, quelque chose de noir, éclairé par une torche qui avait l'air de vaciller dans les mains de plusieurs personnes. C'était d'un effet difficile à décrire. Moi, je me tins à l'angle de la rue, retenu à ma place par une curiosité invincible. La chose noire avançait. La lumière vacillante avançait. Tout cela sans bruit et presque sans mouvement. J'étais immobile. Et pourtant il me semblait que je glissais moi aussi comme ces fantômes noirs de là-bas. Or, ces fantômes noirs, c'étaient 4 corbillards et 8 à 10 hommes qui longeaient la rue, ou plutôt qui obstruaient dans toute sa largeur la rue Neuve des Poirées. 11 heures sonnaient à l'église de Sorbonne. J'en comptais 12, tant j'avais déjà peur. L'erreur était bien naturelle, n'est-ce pas? Dans un temps ordinaire, un corbillard qui passe attire peu l'attention de la ville. Le passant salue et poursuit sa route. Les autres voitures se dérangent, le mort s'en va, accompagné par ses amis ou par son chien, et tout est dit. Mais par le temps qu'il a fait à Paris, par ses bruits de mort, par ses annonces médicales, par ses statistiques funèbres, par ses histoires d'hôtel-dieu, par cette tristesse générale, mon Dieu, un corbillard est un événement. C'est une menace, c'est une chose horrible. On se fait petit contre la muraille quand il passe. Que deux fois j'ai frémi involontairement, voyant arrêter à la porte d'un marchand de vin ces hautes tapissiers noirs qui s'arrêtent à chaque bouchon, comme si boire, même en ces jours d'épidémie, était un des privilèges du croque-mort. Le croque-mort est un philosophe pratique qui n'a pas son pareil. Il est devenu un personnage à son tour grâce au choléra. À son tour, il a joué le premier rôle dans ce monde. À son tour, il a mis au galop son carrosse qui n'allait qu'au pas. Pour bien comprendre mon idée, il faut les voir, ces honnêtes pères de famille, revenant du cimetière et s'épanouissant au soleil des boulevards, étalés sur leur char à la place des morts. Puisse leur règne passer bientôt. Quand je les vis, rue Neuve des Poirées, à cette heure de la nuit, heure inusitée, en si grand nombre et en si grand appareil, le frisson me gagna. Je retombais dans toutes mes terreurs passées. C'est la mort, c'est la peste d'autrefois. La voix publique a menti, l'épidémie n'est pas calmée, les cheveux me dressèrent d'horreur. Les quatre chars arrivés au milieu de la rue s'arrêtèrent à une certaine porte. La maison était d'assez bonne apparence pour la rue. Lorsqu'ils furent arrêtés, je compris que ces chars en effet avaient marché. Les hommes descendirent de leur triste équipage. La porte de la maison s'ouvrit. Ils entrèrent l'un après l'autre dans cette maison, mais tout noirs qu'ils étaient, et dans cette allée obscure, je les sentis plutôt que je ne les vis entrer. Cependant, sans les voir, sans les compter, je savais leur nombre à coup sûr, ils étaient 8. Alors j'entrai dans une de ces hallucinations funestes qui, dans tous les temps, ont fait croire aux fantômes. Les esprits les plus forts y ont cru. Pline, dans une lettre, pour laquelle je donnerais bien volontiers 10 chapitres comme celui-ci, raconte qu'il en a vu un. Je ne vis pas de fantômes, moi, mais je vis mieux que des fantômes. Après un instant d'attente, sortit de cette maison une bière toute blanche sur des épaules noires. On ne voyait que la bière. On eût dit qu'elle se portait toute seule sur le premier corbillard. Passèrent ainsi, l'une après l'autre, 8 bières blanches qui furent placées sur le même char. Puis 8 autres bières encore. Muettes, fatales, l'une après l'autre, elles se plaçaient en ordre comme les nymphes légères du troisième acte de Robert le Diable. Elles allaient, incessamment, portées sur les chars. Le premier char se remplit bientôt jusqu'au comble. Alors on le vit avancer d'un pas. Il me sembla qu'il m'écrasait. Une sueur froide inondait mon visage, mes dents claquaient. « Quoi donc ? » me disais-je. « Toute une maison morte, toute une rue morte. Quelle peste est-ce donc là qui entasse tant de cadavres ?» Et je pensais à mes amis qui dormaient à cette heure, insouciants du fléau. Je pensais à ce malheureux Paris, qui se reposait de ses transes sur la foi des gens de l'art. Je pensais à tout ce que j'aimais. Et puis aussi je pensais à moi, pauvre homme, à l'aspect d'une si imposante mortalité. Que devenir, que devenir? Cela dura longtemps. D'autres bières sortirent de cette porte, d'autres chars se remplirent. Quand le dernier char fut comblé, un des hommes ferma la porte de cette maison et il en mit la clé dans sa poche, comme s'il en eût été le dernier visiteur. Le cortège se remit en marche. Comme la rue est étroite, les chars continuèrent leur route en marchant tout droit sur moi. À cette vue, je me sentis tout de marbre. Je voulais fuir. La fuite était impossible. Je voulus tirer de ma poche mon flacon d'éther. Ma main glacée resta dans ma poche. Le cortège passa contre moi. Je fermai les yeux. Quel bond mon cœur faisait dans ma poitrine. De la tête aux pieds, dans le talon, comme Achille, dans les épaules, comme Tersite, je sentis tout à la fois les horribles indices du choléra. À peu revenu de cette grande frayeur, je me traînai au fond de la rue. Je passai devant la maison déserte. Déserte, en effet, fermée, muette. Pas un filet de lumière ou de fumée, rien. C'était la maison des morts. Je ne sais comment il se fit que je pus atteindre un banc de pierre sur le devant d'une maison de la rue Saint-Jacques. Je m'assis sur ce banc, et bien certainement, je me serais trouvé mal si je n'avais pas été seul. Il me sembla que le dernier moment de ma vie était venu, que l'air de cette rue funeste brûlait déjà mes poumons, gonflés de moitié. Combien je regrettais alors toutes les choses que j'ai dédaignées dans des temps plus heureux. Que n'aurais-je pas donné en ce moment pour être assis même au gymnase dramatique un jour de première représentation. Peu à peu, cependant, je revins à moi-même. J'ai étudié les objets qui m'entouraient. Je reconnus d'abord la rue Saint-Jacques et sa pente rapide. Ce banc sur lequel j'étais assis, c'était le banc du collège Louis-le-Grand, ma seconde patrie. Voilà bien, en effet, la grande porte si rarement ouverte. Voilà bien devant moi notre bruyant voisin, le serrurier Yolande. Comme nous citions les vers de Virgile, les armes d'aînés à propos de cet honnête forgeron qui porte un nom du Moyen-Âge. Voilà bien, à ma gauche, la boutique de Madame Vigneron aux excellents pâtés. Toutes les joies de mon enfance, toutes ces peines cuisantes, tous ces rêves si décevants et si compliqués de la vie du collège, passaient devant moi sur ce banc, se dandinant, grimaçant, riant, sautant, hurlant, pêle-mêle, confus de visions, de souvenirs, de terreurs, d'espérances, de regrets. Et puis devant moi, toujours la rue Neuve des Poirées, ce boyau étroit et morne, espèce de sillon ténébreux, qu'avait laissé après la roue des chars. Cela encore, c'était d'un indicible effet. Combien de temps je serais resté à cette porte, je l'ignore. Heureusement, avec sa tête chauve, son air imposant et grave, les rides savantes de son front et toute l'importance doctorale de sa personne, je vis arriver non pas le proviseur, mais le portier en chef du collège, vénérable personnage dont le souvenir m'était resté aussi profondément gravé dans la mémoire que le premier jour. La vue du digne concierge me fit autant de bien que celle du médecin qui vous sauve. En le voyant à cette heure, j'oubliais tous ces moments de mauvaise humeur, tous ces rapports officiels quand je rentrais après l'heure voulue, retenu que j'avais été par mes plaisirs de l'opéra comique. Car alors, jeune et innocent que j'étais, j'avais foi au théâtre français et à l'opéra comique. Je jurais par la Pandore, et je faisais de longues dissertations sur le génie de M. Baour. J'oubliais tous mes griefs contre le concierge, et avec l'onction de Télémaque à la vue de Mentor, « Oh, Rombaud ! » m'écriai-je, « Est-ce vous, Rombaud, qui vous amène dans ces lieux empestés ? Prenez garde, la mort va vous saisir !» Puis, comme Rombaud était étonné, je quittai le langage poétique et je lui racontai tout simplement ce que j'avais vu. Ces corbillards, ces flambeaux, ces cadavres entassés, cette maison dévastée par la mort. Je dis tout cela à Rombaud. À mesure que mon récit s'avançait, ma narration devenait plus animée, et quand j'y pense à présent, j'ai bien peur d'avoir paru un faible orateur au digne Rombaud. Il se connaît si bien en narration et en discours descriptif. Cependant, en homme habitué à entendre lire des amplifications de rhétorique, Rombaud m'écouta patiemment. Il eut pitié de mes terreurs. Il me laissa les lui raconter telles quelles. Quand j'eus tout dit, il prit la parole à son tour. Il me parla aussi bien que l'eût pu faire un des sages de la Grèce, ses modèles éternels. Il ne me parla ni de la fièvre jaune, ni de la peste de Florence, à laquelle nous devons les contes graveleux et charmants de Boccace, ni de Marseille, dévoré par la contagion, ni de Belzunce, le saint prélat. À peine me parla-t-il du choléra indien, et avec un petit sourire d'incrédulité tout à fait classique, comme s'il se fût agi de Sainte-Beuve ou Victor Hugo. « Ce que vous avez vu dans cette maison de la rue des Poirées, me dit-il, ce n'est pas même le choléra. Rassurez-vous, la chose est plus simple que vous ne le pensez. Dans cette maison déserte est renfermé le dépôt des bières de notre arrondissement. Tous les 3 jours, choléra ou non, et la nuit, à 7 heures, pour n'effrayer personne, l'administration des pompes funèbres envoie la provision. Voilà tout ce qui vous a fait peur. Le nombre des bières emportées est à peu près le même ce mois-ci que l'an passé. Rassurez-vous donc, mon petit, et bonsoir. » Disant cela, le digne Rombaud rentra gravement dans son collège par la petite porte qui se referma sur lui. S'il m'avait dit « Venez, votre lit vous attend dans le dortoir à gauche, loin du maître. Venez dans ce vaste dortoir où l'on parle si bas, où l'on dort si haut. Il n'y a pas de contagion chez nous, venez. Il n'y a pas de vaudeville chez nous. Pas de drame nouveau, pas de comédie en 5 actes, pas de vieux comédien édenté et livide, pas de roman en 4 volumes, pas de vers langoureux à rimes brisées, pas de terreur politique, pas de terreur médicale, pas de terreur littéraire. Venez dormir, venez étudier, venez jouer avec nous. Venez, enfant perdu du collège, quittez la foule et recueillez-vous sous la férule, c'est la bonne place. s'il m'eût dit « Venez à nos blancs réfectoires, toujours pourvus. Venez à notre infirmerie, toujours déserte. Revenez le dimanche au parloir voir les belles jeunes mères en grande toilette, vous, enfants de 15 ans. » S'il m'eût dit tout cela, le digne homme, je vous le jure, il ne m'eût pas donné plus de paix et de calme au cœur que par ces deux mots. Choléra ou non, ils y viennent tous les 3 jours. Jamais je n'étais plus heureux. Pas même le jour où je sortais de cette paisible maison, pauvre enthousiaste qui m'en allait au hasard, sans savoir où j'allais, et donnant le bras à ma vieille bonne tante, fragile appui de 80 ans. Toute ma vie s'est résumée ce soir-là. Les souvenirs du jeune âge, les terreurs de l'âge présent. Je n'ai jamais eu autant de regrets, jamais eu autant de frayeurs. Depuis cette nuit si féconde en sensations, je me suis bien promis de ne plus avoir peur, d'aller au-devant du danger et de sonder jusqu'au cercueil. Faites comme moi, ne craignez pas. Allez au-devant de votre peur. Les temps sont fertiles en terreurs de tout genre. Nous devons nous étudier. À ne pas reculer quand elles viennent, c'est le seul moyen de ne pas être vaincu. Ainsi s'achève Une nuit d'épouvante par Jules Janin.